Gens du livre, gens du livre. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab sont les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui croient en un livre révélé. En effet, Allah qu'il soit glorifié, a révélé la Torah au prophète Moïse, Moussa, sur lui la paix, et l'évangile au prophète Jésus, Issa, sur lui la paix, fils de Marie, Maryam, qu'Allah l'a guéri. Mais les juifs, tout comme les chrétiens, ont dénaturé et falsifié les écritures révélées à leurs prophètes respectifs.